fini, mais c'est aujourd'hui que ma vie commence. Et je bénis la sentence qui m'ouvre le ciel, m'ouvre le ciel. Moi je prie pour que dans la nuit ton ombre s'avance, que cet été de ce